Music and the City sur Fadjet. La musique de toutes les cultures. Présentée par Jérôme. Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en grande forme, car ce soir, je l'annonce, et oui, la dernière de Music and the City, tout du moins la quotidienne. Et oui, un an d'émission, 42 épisodes inédits que je vous ai présentés chaque lundi pour découvrir ou redécouvrir des artistes, des chansons, mais également passer un moment convivial tous ensemble. Et avant de se quitter, dans une petite demi-heure, on va faire un dernier tour de piste ensemble avec une programmation géniale, que dis-je, formidable, et comme d'habitude, me direz-vous. A commencer par notre poupée russe favorite, Lena Katina. Et pour bien démarrer cette dernière session, c'est avec une reprise d'Alexandra Stan que j'annonce l'artiste. Vous la connaissez, cette chanson Mr. Saxo Beat, véritable carton il y a quelques années sur Fudget et toutes les autres radios du monde. Et ce soir, je vous propose une reprise live tirée d'un Raw Session. C'est rien que pour vous, c'est pour débuter la soirée. Bon appétit à vous. With me, my dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see you are the one I need? You make me this, bring me up, bring me down, play it sweet, make me move like a freak. Mr. Saxo Beat makes me this, brings me up, brings me down, play it sweet, makes me move like a freak. Les artistes oubliés reviennent dans Music and the City. Il n'a pas gagné la Star Academy en 2002 et pourtant, on se souvient tous de sa belle gueule d'ange et de sa voix si tendre. C'était un peu mon coup de cœur à l'époque, et même si aujourd'hui sa carrière a pris un tout autre chemin, il le reste quand même encore un peu. Jérémy Hamelin a commencé avec des tubes de variété française, puis très vite s'est tourné vers la musique électro. Ensuite, changement tout à fait de décor avec la création de sa propre marque de vêtements. Et aujourd'hui, que fait-il ? Eh bien, il cartonne dans des comédies musicales, des shows incroyables un petit peu partout en France et partout ailleurs aussi. L'homme, en plus d'être ultra sexy, est un véritable touche-à-tout. Je vous conseille d'aller suivre son Instagram, on y voit absolument tous ses projets actuels, que ce soit professionnel, puis un petit peu de sa vie privée aussi, c'est sympa quand on aime bien un artiste. Alors après, quand on me demande quand même ma période préférée de l'artiste en lui-même, c'est sans rougir que je vous parle de l'électro, parce que j'aime ce type de musique. La tectonique battait son plein à l'époque, lui a proposé des titres vraiment au top pour les boîtes de nuit, comme par exemple Dans la Lune, Undown, ou encore Oh Oh, qui est un duo avec la chanteuse Angelica. Et c'est cette dernière chanson que j'ai conservée ce soir et que je vous propose. Alors tous en piste, messieurs, dames. Allez! Are you ready for this? I know I got you waiting. I bet you didn't see this one coming. Jeremy featuring Angelica. Thinking. Come on girl, just bring it on, I'm getting closer, you celebrate. Tonight you're all I ever wanted. Oh, oh. So hot to burn it up the dance floor. Oh, oh. Now shake it up, I'll make you wonder. Oh, oh. Your body's sweating to the music. Oh, oh. Oh boy, I'm loving what you're doing. I know you want me to play. Let me show you what I got in mind. Now, that's what I'm talking about. Music and the City. Évadez-vous vers d'autres horizons musicaux sur Fadjet avec Jérôme. Hello Samantha, and this is WCTA. Après 10 ans d'absence, un joli message vient d'apparaître récemment sur les réseaux sociaux pour annoncer un retour de l'artiste en septembre 2018. Déjà avec un premier single qui s'intitulera « Cheveux au vent » et un album qui devrait pointer le bout de son vinyle début 2019. Najwa Belizel, c'était la petite fiancée de la France en 2005, avec une chanson pop électro aux paroles à double sens. On n'a jamais trop compris où elle voulait en venir. bisexualité ou profession de foi. On avait beaucoup de difficultés à comprendre si Gabriel représentait un simple être humain au cœur tendre, ou alors si la référence était tournée vers Dieu. En tout cas, ce double sens et l'air entraînant du titre a valu à Najwa Belizel d'être propulsé sur le devant de la scène et de faire de cette chanson le plus grand tube francophone en 2006. Parce que oui, la chanson s'est exportée au Canada, en Suisse, en Belgique pour les pays francophones, mais également en Allemagne ou encore en Russie. Alors, de vous à moi, qui est impatient de retrouver ce petit bout de femme qui nous a tant fait danser en 2006 En attendant tout au moins les nouvelles chansons inédites, et ben c'est Gabriel, tout de suite sur Fadjet dans Music and the City. Music in the City sur Fadjet. Parfois la vie fait qu'une personne s'en va pour ne jamais revenir, oui. C'était son choix, il a laissé derrière lui des millions de fans. Chester Bennington s'est suicidé l'an dernier. Il était la voix du groupe Linkin Park depuis 1999 et a propulsé le groupe sous les projecteurs. 7 albums studio, des salles de concert pleines à craquer, mais, parce qu'il y a un mais, bien évidemment, l'aventure ne s'arrêtera pas là. Mike Shinoda, le leader et fondateur du groupe, a annoncé récemment sur les réseaux sociaux qu'un nouvel album était en préparation. Ce qui est une excellente nouvelle pour les fans, même si, on s'en doute, l'absence de Chester sera tout à fait palpable. Mais on peut compter quand même sur le groupe pour continuer à nous faire rêver et lui réserver, à Chester, un brillant hommage sur ce disque à venir. J'avais beaucoup aimé la chanson Burn It Down en 2012, qui était issue de l'album Living Things, souvenez-vous. Un titre qui avait beaucoup tourné sur les radios et que je vous propose ce soir pour rendre un hommage justement à ce grand chanteur qui nous manque beaucoup. Évadez-vous sur Fadjet dans Music and the City. Pour clôturer cette dernière émission, il me fallait un titre haut en couleur. J'avais tout d'abord pensé à un titre de Fergie, puisque j'avais commencé l'émission en septembre par une de ses chansons. Puis après réflexion, j'ai pensé à Miley Cyrus. Alors pourquoi me direz-vous ? Eh bien dites-le ! Bon, bah, tout simplement parce que son album de 2009, Can Be Tamed, est sans aucun doute le plus abouti de toute sa carrière. Très orienté vers la bonne pop musique, celle que j'aime bien évidemment, on a même pensé à un moment donné qu'elle pouvait prendre la place de nouvelles princesses de la pop. Parce que tout était réuni pour nous le faire croire, quoi. La pose très Britney sur la pochette de l'album, déjà. Des chorégraphies très Beyoncé, avec une petite pointe de Madonna. Puis des chansons enivrantes, des chansons hyper sexy. Et puis cette longue chevelure de star qui caractérise les pop stars. Bref, bon, on connaît tous la suite, drogue, alcool. Hein. Bon, il y a quand même eu du succès hein, avec ces chansons. Il y avait Wrecking Ball, notamment. Mais on est quand même bien loin de l'image pop star qu'on lui destinait au départ. Hein. Alors bon, avant de rendre l'antenne et de vous dire au revoir, eh bien c'est un cri de liberté de Miley Cyrus ce soir, pour vous dire que même si parfois la vie est difficile, même si vous pouvez vous sentir seul, mal dans votre peau, peut-être honteux, peut-être triste, eh bien n'oubliez jamais que vous êtes libre d'être qui vous êtes, libre de faire ce que vous voulez, vous n'avez de compte à rendre à personne, soyez vous-même, soyez heureux. Liberty Walk de Miley Cyrus, pour finir Music in the City. Don't live a lie. This is your one life. Oh, don't live a lie. You won't get lost. Just walk. Believe it. Music in the City sur Fadjet. Liberty Walk de Miley Cyrus pour terminer cette émission, cette saison et cette... ce bonheur en fait, il n'y a pas d'autre mot, ce bonheur d'avoir partagé un an avec vous sur l'antenne de Fadjet, 42 émissions de Music in the City. C'était une expérience incroyable pour moi. Merci à vous pour votre soutien, merci à vous pour vos écoutes. Que dire de plus ? Eh bien, que vous pourrez retrouver le podcast de cette émission sur la plateforme Mixcloud ou sur le Facebook Fadjet-Music in the City et toutes les autres émissions, bien évidemment, de l'année. Et la petite surprise, enfin, qui n'en est plus une parce que je vous l'ai annoncé déjà la semaine dernière, mais un épisode spécial Music in the City Vinyl Maniacs ce samedi 30 juin à partir de 16h, si je ne m'abuse, ou 16h30, avec la Miguel qui sera avec moi. On vous diffusera de la bonne musique en vinyle sur une thématique peut-être un peu été. On va réfléchir à ça les jours qui viennent. En tout cas, je vous embrasse, je vous remercie de cette fidélité. Passez une très bonne fin de soirée sur Fadjet. Moi, je vous dis à l'année prochaine, sinon en plus du 30 juin, pour Génération VHS, toujours avec Gaël et la team VHS. Je vous embrasse, à très bientôt. Prenez soin de vous et écoutez de la musique, c'est hyper important.